CKRL HD. Une radio haute décibel. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418 522 4373, labarberie.com. Bienvenue, les amateurs de musique progressive. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. Et c'est Jean-François et Bruno qui sommes avec vous jusqu'à 24 heures, en fait, jusqu'à minuit. Et comme d'habitude, on a un petit cocktail de musique progressive pour faire suite à cette belle émission avec Jacques et Vincent. Et on va débuter avec No Sound, qui vient de faire paraître un nouvel album qui s'appelle Afterthought. Et No Sound, ben c'est le groupe de Giancarlo Erra, un Italien qui joue de la guitare, des claviers et qui occupe les vocaux. Et il est accompagné d'une foule d'invités qu'on connaît peut-être un petit peu moins. À certaines occasions, sur d'autres disques, il y en avait d'autres. Mais dans ce cas-ci, il y a Chris Maitland, l'ancien batteur de Porcupine Tree, qui l'accompagne à la batterie. Et encore une fois, on a une musique assez atmosphérique, avec des passages peut-être un petit peu plus enlevés, mais ça reste toujours un petit peu dans ce mood-là. Et on parlera aussi, dans le courant de l'émission, de choses qui s'en viennent. Entre autres, du magazine Guitarist and Bass, avec un beau nom francophone comme ça. C'est un magazine français consacré à la guitare. Et ils ont consacré un petit dossier à la musique progressive, ce qui est quand même assez intéressant, parce que c'est un magazine, disons, grand public spécialisé dans la guitare, avec des partitions et tout. Mais on fait un petit tour d'horizon des grands guitaristes de la musique progressive. Évidemment, on reste dans le mainstream, par exemple avec Alex Lifeson, qui sera sur les plaines d'ailleurs, dans le courant de l'été. Je pense que c'est peut-être un des spectacles les plus intéressants qu'on retrouvera sur les plaines durant le festival. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, pour l'instant, il va avec Afterthought du groupe No Sound et la pièce Paralyzed. Was away with the compromise for each endless hope destroyed. Horizons away from here, a foolish illusion feeding itself of something better and nothing to dwell. I was always the solution of my fate, believe. Because the flame, the wind feeding it. This is the last letter I write. Tomorrow I'll be in a new life. Otherwise I could think it's not real. Just the same film and the same dream. Same thoughts disappear. I'm still trying to rise. Are you still there? Am I not abbracciare.

89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème « Anatomie d'un bénévole », le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Sion le Disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418 522 4373, labarberie.com. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Et nous sommes de retour en musique avec Crippled Black Phoenix, un groupe que j'apprécie de plus en plus, qui nous a pondu un disque qui s'appelle No Sadness or Farewell. Et c'est pas la première fois qu'on en fait jouer un extrait, mais c'est un groupe qui évolue assez bien. Dans ses premiers disques, il était beaucoup plus metal, alors que sur l'avant-dernier, là, Mankind de Crafty Ape, on sentait beaucoup l'influence de Pink Floyd, même sur certaines pièces, même c'était bon, je dirais pas du plagiat, là, mais disons que c'était très inspiré par le son Pink Floyd, disons. Et là, c'est vraiment un son assez différent, c'est beaucoup plus atmosphérique, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et ça allait assez bien avec No Sound qui avait débuté ce bloc-là, avec la pièce Paralyzed. On va entendre d'ailleurs un autre extrait de cet album qui s'appelle Afterthought. Et entre les deux, on avait District 97 avec Trouble with Machines et la pièce The Actual Colors. On va poursuivre avec Blackmore Knight qui continue son petit bonhomme de chemin en faisant une sorte de musique de troubadour entre le folk médiéval et disons une musique, bon, je dirais rock parfois, oui, mais c'est un album live qui nous sort là. Ça s'appelle A Night in York, en Angleterre, évidemment. Et le Knight, ben, c'est pas la nuit, c'est un chevalier. Et, c'est un petit jeu de mots. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Fires at Midnight. Et ce sera suivi de Riverside et de Sébastien Hardy, qui a sorti un disque dans les derniers mois, en fait l'an dernier. Un disque qui s'appelle Blueprint et qui sonne plutôt bien. Et je vous parlais tantôt de l'article dans le magazine Guitarist and Bass qui parle de rock progressif. Et ils ont mis un top 20. Des guitaristes, évidemment, on retrouve là-dedans David Gilmour avec le disque Wish You Were Here. On retrouve aussi Robert Fripp, Adrian Belew, Alex Lifeson et Alan Oldsworth, entre autres. Donc, on y va à l'instant avec Blackmore Knight. And this one is called Fires at Midnight. Before, with my head held in my hands, for all that I had known of this place, I could never understand. On the hills, the fires burned at midnight, superstition plagued the air, sparks fly as the fires burn at midnight, stars are out, the night. magic is here. I wished all the seven sisters bring to me wisdom of age, all that's locked within the book of secrets. I long for the knowledge of the sage. On the hills, the fires burned at midnight, superstition plagued the air. Sparks fly as the fires burn at midnight, stars are out and magic is here. The stars are out and magic is here. Sisters smiled to themselves and they whispered as they showed, and it was from that very instant I knew I would never be alone. For on the hills, the fires burned at midnight, superstition plagued the air. Sparks fly as the fires burn at midnight, stars are out and magic is here. The stars are out and magic is here. Many faded and became ghosts. Still my sisters glittered down from heaven, always there when I needed them most. And on the hills, the fires burned at midnight, superstition plagued the air. Sparks fly as the fires burned at midnight, stars are out and magic is here. The stars are out. Yeah.

carefree. I wish that I would let it go and let it be. Sébastien Hardy avec I Wish, extrait de Blueprint. Et juste avant, c'était Riverside dans un petit côté, disons, beaucoup plus doux, beaucoup plus... c'est vraiment le mot pour la soirée, hein, atmosphérique. Il y a beaucoup de pièces atmosphériques. Disons que c'est un choix qui tombe comme ça. Je pense que ça c'est peut-être l'atmosphère mélancolique qui vient avec la pluie qui nous tombe dessus depuis des jours, pour ne pas dire des semaines. C'est peut-être ça qui a conditionné un petit peu ce choix musical de ce soir. Vous pouvez nous donner votre avis en nous appelant évidemment à la station. Il y a quelqu'un qui l'a fait tantôt et il trouvait que c'était une bonne musique pour ce soir dehors. Ben merci du commentaire. Et bon, pour poursuivre la liste des guitaristes, dont je parlais tantôt. Il y a Andy Powell aussi de Wishbone Ash, qui est considéré comme un des très bons guitaristes de musique progressive. Martin Barry de Jethro Tull, Steve Howe, Steve Hackett, évidemment, Steve Morse, toute une série de Steve. Il y a Stevie Lage, Steve Rotary. Ça en fait plusieurs de suite. Mike Oldfield, qu'on aime beaucoup. Fred Frith, Andy Latimer. Yann Ackerman de Focus, Yann Christian de Saga, Steven Wilson, on s'en serait douté, Neil Sean de Journey, et finalement John Petrucci. Disons qu'on pourrait en ajouter plusieurs autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais ça reste une liste un petit peu subjective. Et dans le même magazine, il y a une petite interview avec Steve Rotary, justement, de Marillion. Et on apprend que parmi ses guitaristes préférés, il y a David Gilmour, Steve Hackett, Andy Latimer, trois guitaristes qui sont presque dans le même style, finalement, mais Andy Latimer et David Gilmour, surtout. Et Jimi Hendrix, Jeff Beck, Carlos Santana, Jimmy Page et Larry Carlton font partie des guitaristes appréciés de Steve Rotary. Et juste avant Sébastien Hardy, comme je disais, il y avait Riverside, et on avait débuté avec Blackmore Knight. C'est le groupe de Ritchie Blackmore, anciennement de Deep Purple, qui a choisi une voix beaucoup plus différente. On s'excuse pour les publicités, un petit problème d'ordinateur qui nous empêche de les diffuser. On espère que vous n'en tiendrez pas trop rigueur. On va poursuivre avec Therion. Un groupe scandinave avec un album qui est assez vieux finalement, ça date de 2000, mais disons que moi je l'avais commandé sur un site et ça m'a pris 3 ans à le recevoir, donc c'est juste récemment que j'ai reçu cet album-là. Et l'album s'appelle Dégueal. Et c'est pas un groupe qui est nouveau pour les auditeurs de CKRL et de l'émission surtout, parce qu'on en a fait jouer souvent. Et le dernier en date, on reprenait des pièces et dans la langue d'origine en plus, là, du répertoire français, des pièces de Gainsbourg entre autres. Et c'est un petit peu cocasse, en tout cas assez original. Mais dans ce cas-ci, on a encore le style très pompeux, là, avec des chœurs assez abondants et de la musique classique avec le métal. Donc ça donne un mélange que je trouve assez intéressant. Donc on va entendre la pièce Eternal Return. On va poursuivre avec une autre pièce de No Sound avec In My Fears. On poursuivra avec Are You Hurt et finalement Carsius. Running should stay. Days are so bright. Maybe it's what life is all about. Dividing my life after every knockout. It got so cold. Outside, and the tears became storms. I looked at the sleeping trees and cried. Everything covered to peace and quiet. I look outside. I'm Let's ride. Tous les soirs du 4 au 14 juillet, c'est le rendez-vous incontournable des Noctambules du Festival d'été de Québec. Venez vivre la programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Petit Impérial, le Cercle et l'Espace Hyperion vous promettent des soirées en vente avec Louis-Jean Cormier, Family of the Year, The Sheepdogs, The John Spencer Blues Explosion, The Joy Formidable, Ostra, Nicolas Repac, Marc DiMarco et plusieurs autres. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Dry. Salut, c'est Tania. C'est avec grand plaisir que dès le 4 juillet, je reprendrai la barre de l'émission C'est dans le sac, émission entièrement dédiée au Festival d'été de Québec. Accompagnée de mon équipe, je vous invite à être au cœur de l'action entre 15h et 18h en direct du bar Le Sacrilège à tous les jours du festival. Invités, entrevues, prestations, biographies et plaisirs sont au menu pour vous informer sur le Festival d'été de Québec. Une présentation du bar Le Sacrilège, du Café Babylone et de Boréal. 89 ans. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Le bénévolat, c'est altruiste, utile et même indispensable. Et surtout, c'est bon pour la communauté. Sous le thème « Anatomie d'un bénévole », le Centre d'action bénévole de Québec vous invite à découvrir plus de 40 portraits et témoignages de bénévoles de la région. Des hommes et des femmes d'origines différentes qui s'impliquent avec passion dans plusieurs domaines. Pour connaître les lieux et les dates de l'exposition, consultez anatomie-bénévole.com. Le Centre d'action bénévole remercie ses nombreux partenaires. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Si on le disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Et nous sommes de retour pour un dernier bloc et vous serez sans doute content d'apprendre qu'on a rétabli les publicités et grâce aux bons soins de Stéphane Villeneuve qui est déjà arrivé prêt pour son émission L'autoroute à minuit. Et Stéphane nous a reparti tout ça et vous n'avez rien perdu, soyez-en assurés. Et on va poursuivre pour ce dernier bloc avec IQ. From the Lush Attic 2013 Remix 30e anniversaire Collector's Edition. Et là-dessus, sur le deuxième disque, il y a un tas de démos et autres trucs. Ce qu'on va entendre, c'est plutôt la version 2013 de The Enemy Smacks. Et c'est une version de 14 minutes, à peu près comme l'original, en fait, compte. Et à l'intérieur de ce beau Digibook, on retrace l'histoire un petit peu de la façon que ce disque-là a été enregistré. Et pour 1500 livres, ces jeunes-là ont pu enregistrer un disque. En fait, ça donnait 5 jours de studio, et plus 1000 copies de l'album en format vinyle. Il faut dire qu'on était en 1983 à cette époque-là. Le CD comme tel n'était pas commercialisé. Il existait probablement sous une forme expérimentale, mais il n'était pas commercialisé. Et disons, nos jeunes ont eu une belle carte de visite, mais disons, 5 jours, surtout quand on n'est pas expérimenté, ça a donné un disque qui était quand même intéressant, mais qui avait des petites lacunes de côté technique. Puis, avec cette version-là, ils ont décidé de polir les aspérités un peu et de reprendre certaines tracks. Et c'est, en fait, ils l'ont mis un peu plus à leur goût. Donc, ça va être IQ avec The Enemy Smacks. Et un petit retour sur le dernier bloc, c'était Carsius qui a terminé le bloc juste avant Io Earth et No Sound. Et on avait débuté avec Therion. Donc, on commence avec IQ. We'll be right back. curtains drawn inside my little head. I hear them screaming out my name. We'll be right back. Thank you. jusqu'aux racines de cette rage qui a fait qu'en m'imprégnant de toi j'ai tournoyé sans imaginer les matins calmes qui m'habitent, sans tenter de deviner ce qui se cache derrière tes yeux souples et souverains couleur de mer. Aucune étoile saura guider mes mouvements. Je n'écouterai que ce langage de gémissement émanant de ton corps cruel, incandescent et vif. Je ne pourrai rien reconstruire avant d'avoir tout perdu. J'émergerai alors et je m'avouerai vaincu. Et c'était la voix caverneuse de Frédéric Garicomo avec le groupe Atréal qu'on a eu l'occasion de voir, il y a 2 ans, à la convention Terra Incognita. Et c'est déjà presque terminé pour nous. Restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve qui va débuter à l'instant. Mais juste avant, une petite pièce de Eloy, histoire de tourner le fer d'emblée un peu. Parce que Eloy n'a pas pu participer au NIRFES 2012. Et c'est un regret qu'on a manqué, je dirais, probablement la dernière chance de voir Eloy. Ou peut-être qu'on va être chanceux. Donc, on se laisse sur Eloy et je vous dis à la semaine prochaine. Of years ago, tormenting questions.